Salut les amis à la vallée. Bientôt, ça va pas tarder. Je prendrai le train pour aller à la vallée. Je vais pas louper le train cette fois. Ça sera un peu trop con de louper les trains deux fois. Alors attendez-moi au dent avant l'explosion. Ces temps-ci, on ne sait jamais. Avant l'explosion atomique, on va faire une belle fête.